En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Mettez fin au cycle de la violence. Appelez le 3919. sa sale pute. Quoi que t'as des michons.